j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le sixième jour de ce nouveau confinement, et si tu ne sais pas quel film voir, ça tombe bien, car aujourd'hui je te conseille Climax de Gaspard Noé. Truc qui monte. Qu'est-ce que t'as ? Tu sais garder un secret. Climax, c'est le cinquième long métrage de Gaspard Noé après Seul contre tous, Irréversible, Enter the Void et Love. Alors je vous préviens, il risque d'y avoir pas mal de Gaspard Noé sur ce podcast puisque c'est un réalisateur que j'adore. Avant de commencer à vous parler du film, j'aimerais tout de suite mettre un gros disclaimer puisque Climax n'est pas un film à mettre entre toutes les mains. En effet, il y a un climat très très très pesant qui va créer une tension constante et un profond malaise qui peut parfois susciter la peur. Le film a été interdit au moins de 16 ans et c'est pas pour rien. Donc, avis aux âmes sensibles, ne lancez pas Climax, vous allez le regretter, même si le film est un chef-d'œuvre. Climax, c'est l'histoire d'une troupe de danse qui se retrouve enfermée dans un local où ils vont répéter et faire la fête avant de partir en tournée. Autour d'eux, tout est gelé puisqu'une tempête de neige a eu lieu, donc il est quasiment impossible de sortir de ce local. Cependant, les danseurs vont se rendre compte qu'il y a une substance illicite dans la sangria et la fête va vite virer au chaos total. Commençons par le plus gros point fort du film selon moi, qui est la mise en scène et la réalisation de Gaspard Noé. Alors Gaspard Noé, c'est un réalisateur qui utilise beaucoup le plan séquence, c'est une chose que j'adore dans le cinéma, et on l'a bien vu dans Climax. On avait déjà l'exemple dans Irréversible par exemple, pour ne citer que lui, et je trouve, contrairement à certains films où le plan séquence est utilisé sans trop de raison, dans Climax il a une réelle utilité. Quand je parle du plan séquence parfaitement mis en scène, je pense notamment à une scène dans le film, la scène de la fête après la répétition, où un des danseurs prend un deuxième gobelet de sangria pour aller l'offrir à une fille qu'il aimerait bien séduire. Sauf qu'avant d'arriver à cette fille, il va parler à beaucoup de danseurs, mais la caméra ne va cesser de le suivre. Et c'est un travail qui peut paraître minuscule, mais qui est extrêmement minutieux et qui est un travail mis en scène fou, et c'est ce que j'adore avec Gaspard Noé. Tout le film est quasiment en full plan séquence, et encore une fois, pour prendre l'exemple d'Irréversible ou même celui de Lux Eterna qui est son dernier moyen métrage, quasiment tout le film était de l'impro, et Gaspard Noé est très doué pour faire ça. Cette faculté à faire des films quasiment qu'en improvisation m'a toujours fasciné chez Gaspard Noé. Déjà, en voyant Irréversible, j'étais sidéré en voyant que le film avait 3 pages de script, et ça se vérifie encore avec Climax. Et les films que j'ai préférés de lui d'ailleurs sont ceux qui sont les moins écrits. Alors je sais pas si ça dépend que de moi, ou si les films sont objectivement meilleurs, mais voilà. Le film est divisé en 2 parties. Dans un premier temps, on se trouve dans la pièce principale du local, dans laquelle ils font leur fête et ils répètent leur chorégraphie notamment, et dans un second temps, après que la sangria ait bien eu le temps de faire effet, on accède au reste du bâtiment, entre autres aux coulisses, et c'est là que ça part en chaos. Alors j'aimerais profiter de ce changement pour saluer le travail monstrueux du chef opérateur de Gaspard Noé qui s'appelle Benoît Deby, et qui livre sur chaque film qu'il fait, pas seulement chez Noé, je pense notamment au film qu'il a fait chez Fabrice Duvelt, qui livre des photographies absolument magnifiques. Et je pense que le cinéma de Gaspard Noé ne serait pas pareil sans Benoît Deby. Et j'espère que les deux vont continuer à collaborer sur les années à venir. Comme on peut le voir souvent dans le cinéma de Gaspard Noé, la première partie est une montée en puissance. Il n'y a pas grand chose de choquant, mais j'aimerais quand même revenir sur un point de cette première partie, qui sont les chorégraphies, que j'ai trouvé absolument bien travaillé et génial. Alors j'ai su après coup que beaucoup d'acteurs étaient aussi danseurs, mais ça n'enlève rien au fait que les chorégraphies restent formidables. On va avoir ensuite une petite séquence de transition où on aura plusieurs points de vue, la caméra qui va fixer juste deux personnages qui parlent de ce qu'ils pensent de la danse, des relations qu'il y a, et ça représente parfaitement le calme avant la tempête, puisque passé cette séquence, c'est là que ça va commencer à sombrer dans le chaos total, et bien évidemment, ça va y aller crescendo. Alors, quand je disais que le film n'était pas spécialement accessible aux âmes sensibles, je parlais spécialement de cette partie du film, puisque on va quand même aller très loin. Je pense notamment à la femme qui se dit enceinte, qui vont un peu l'obliger à faire, est horrible. Je pense au traitement de l'enfant de l'une d'entre elles, sauf que bah, c'est une danseuse, sauf qu'elle est totalement défoncée. Donc évidemment, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait et son gosse va être bien en péril. Vous le verrez, je ne spoile rien. Ou alors, je pense notamment à une scène où un des danseurs qui est supposé d'avoir mis la sangria dans les verres est éjecté dans le blizzard et il ne le laisse pas rentrer ensuite. C'est un peu la base d'être défoncé, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait et on le vérifie bien ici. Il y a quand même des sous-intrigues qui sont intéressantes et des scènes qui m'ont franchement marqué et des plans que j'ai encore en tête. Climax, c'est un film qui ne lésine pas sur les moyens et qui n'hésite pas à montrer des images marquantes, voire choquantes. C'est pour ça qu'au début de cet épisode, je parlais d'un film qui n'était pas à mettre entre toutes les mains, mais ça, c'est en règle générale avec le cinéma de Gaspard Noé. Climax, c'est un film où l'ambiance est très importante puisque dans la première partie, on a une tension qui est presque palpable et forcément ça fait des dégâts quand ça explose. Et quand je dis que ça fait des dégâts, c'est que ça fait des gros dégâts. Et c'est très compliqué d'expliquer mon propos sans spoiler le film, donc je pense que la meilleure façon de vous en rendre compte, c'est de le regarder et de me donner votre avis après. Petit mot rapide sur le jeu d'acteur pour finir ce podcast. C'est un film avec beaucoup d'acteurs et pas vraiment de rôles principaux, donc forcément il y a du très bon, du moyen et du un peu en dessous. Mais franchement, même quand c'est parfois un peu moyen, c'est pas spécialement dérangeant et le film est quand même efficace. Le film est disponible à la location sur Orange VOD, Filmo TV, Rakuten TV, Google Play, YouTube et Apple TV. Et il est également disponible à l'achat sur Orange VOD, Canal VOD, Apple TV, Google Play, YouTube, Rakuten TV et Filmo TV. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère t'avoir convaincu de regarder Climax. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain pour une nouvelle suggestion.